Le porte-parole du comité central de l'Union des journalistes coréens a publié le 15 une déclaration contre les presses conservatrices sud-coréennes qui critiquent et mettent en cause la politique de notre parti envers la postérité et l'avenir. En voici le résumé. Les presses conservatrices sud-coréennes telles que KBS, MBN et Ryonam News ont calomnié le 8e congrès de l'Organisation des enfants de Corée comme cérémonie démonstrative à usage de maintien du régime. Voire, elles ont même insulté notre dignité suprême. Cela montre nettement la frénésie fratricide du parti conservateur et des presses conservatrices sud-coréens qui se démènent insensément pour faire même des enfants les victimes de leur conspiration anti-nord-coréenne. Nous avons déjà averti clairement les presses conservatrices et leurs journalistes comment ils doivent payer leur crime d'avoir falsifié sans fondement la réalité et ourdi des complots contre notre république. Surtout, nous sommes décidés résolument à trouver jusqu'au bout tous ceux qui calomnient notre dignité suprême ou qu'ils aillent se cacher pour les châtier à la façon la plus impitoyable. Les presses conservatrices, les journalistes à leur solde et ceux qui les ont poussés au dernier sacrilège doivent passer le temps dans l'angoisse et l'inquiétude. Si les autorités sud-coréennes aussi s'intéressent vraiment à l'amélioration des rapports nord-sud, elles doivent immédiatement mener l'investigation sur la provocation anti-nord-coréenne outrageante et punir sévèrement les responsables. Sinon, nous considérerons qu'elles sont organisateurs du dernier crime et en ferons les calculs détaillés. Que les criminels qui ont lancé le défi à notre dignité suprême sachent qu'ils n'ont pas à vivre longtemps.